lors d'une discussion animée avec un gradé de l'armée, il m'a demandé ce que j'allais faire si le pays entrait en guerre. Ma réponse l'a énervé. J'ai vu ses yeux se révulser, tout son corps s'est crispé pour s'empêcher de me frapper. Aller au combat, c'est pas pour moi. Tenir une arme serait un drame. Vos uniformes salissent les hommes et les enchaînent à vos dômes. S'il y a conflit, sans moi, merci. Gardez vos guerres et vos frontières. Je resterai libre penseur, je serai déserteur. S'est mis à parler d'honneur, de civils vivant dans la peur, sous le règne d'un tyran, quelque part au Moyen-Orient. Puis il m'a dit que le lendemain, il allait, femme à la main, semer la paix et l'amitié, sans préciser qu'il allait tuer. Aller au combat, c'est pas pour moi. Tenir une arme serait un drame. Vos uniformes salissent les hommes et les enchaînent à vos dômes. S'il y a conflit, sans moi, merci. Gardez vos guerres et vos frontières. Je resterai libre penseur, je serai déserteur. Ça ne tue pas, ça ne sert qu'à la sécurité et sûrement pas à massacrer. Bientôt ils nous affirmeront que s'ils fabriquent des canons, c'est pour aller planter des fleurs dans le désert de l'Équateur. Aller au combat, c'est pas pour moi. Tenir une arme serait un drame. Vos uniformes salissent les hommes et les enchaînent à vos dômes. S'il y a conflit, sans moi, merci. Gardez vos guerres et vos frontières. Je resterai libre penseur, je serai déserteur. C'est pas pour moi, tenir une arme serait un drame. Vos uniformes salissent les hommes et les enchaînent à vos dômes. S'il y a conflit, sans moi merci. Gardez vos guerres et vos frontières. Je resterai libre penseur, je serai déserteur.